le loriot. Je lui dis « Rends-moi cette cerise, tout de suite !»« Bien, répond le loriot. » Il rend la cerise et, avec la cerise, les 300 000 larves d'insectes nuisibles qu'il avale dans une année.